بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on va aborder à partir d'aujourd'hui inshallah ta'ala un sujet très important lié à certaines questions qu'on avait déjà abordées lorsqu'on avait lu ensemble les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté écrites par le noble Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. En effet, on avait abordé à ce moment-là certains sujets liés à la prière, notamment les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière et les actes surérogatoires recommandés liés à la prière. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet des prosternations, de la distraction. Et ce, en lisant un livre écrit par un des grands savants de cette communauté, le noble Cheikh Mohammed Ibn Saleh Al-Uthaymeen, intitulé « Risalatun fi sujoudi sahwi », les prosternations de la distraction. Donc on va faire la lecture de la traduction qui en a été faite, qui, walhamdulillah, est une bonne traduction, qu'on la récompense le traducteur. Et on essaie donc d'expliquer quelques points, bien qu'en vérité, alhamdoulillah, les propos du Shir sont à la base très clairs. Et comme nous avons l'habitude de le voir, du Shir Mohammed Ibn Saleh Al-Uthaymeen, ses écrits sont très profitables, très clairs en eux-mêmes, et il n'y a donc pas grand besoin de rajouter grand-chose, mais si il y en a le besoin, on essaiera peut-être juste d'expliquer certains points afin d'insister sur les différents cas de figure qui vont être présentés et exposés par l'auteur, rahimahullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم أو بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم Introduction. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed, celui qui a transmis clairement le message, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent de la meilleure manière jusqu'au jour dernier. Naam, donc ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a commencé par al-basmala, le fait de dire bismillahirrahmanirrahim, en suivant dans cela le modèle du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il écrivait au roi notamment, et qu'il débutait ses lettres par « Bismillahirrahmanirrahim ». Et c'est là l'habitude des envoyés d'Allah, alayhim salam, comme nous le trouvons par exemple mentionné dans Sourate An-Naml, lorsque Bilqis mentionne que Sulayman lui a envoyé une lettre, elle dit, elle vient de Sulayman, et elle commence par Bismillahirrahmanirrahim. Et le fait de commencer par Bismillahirrahmanirrahim, c'est un moyen de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rechercher sa bénédiction afin qu'il place sa bénédiction dans l'œuvre que nous sommes en train d'entamer et de débuter. Puis il a dit louange à Allah, le Seigneur des mondes, étant donné qu'il est bon de faire suivre la basmala par ce que l'on appelle alhamdallah, le fait de dire alhamdulillah. Puis il a dit que la paix est le salut, c'est-à-dire que la paix, ici donc, c'est la traduction du terme salat, qui venant d'Allah, représente ses éloges qu'il fait auprès de ceux qui sont auprès de lui, à savoir les anges. Donc lorsque nous disons « Wassalatu wassalamu ala rasulillah » par exemple, ça veut dire que nous demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'adresser ses éloges au messager, à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc que la paix ou les éloges et le salut soient sur notre prophète Muhammad, celui qui a transmis clairement le message, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Il est opportun d'invoquer en faveur de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Le fait de mentionner la famille, c'est une réponse à la secte des Nawasib qui éprouvait de l'animosité envers ou vis-à-vis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de mentionner les compagnons, c'est une manière de répliquer à la secte des Rawafid qui en sont venus à s'apprendre aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que certains d'entre eux ont considéré la quasi-totalité des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam comme ayant apostasié après sa mort. Ce qui bien sûr est une accusation nulle et non avenue. Et certains sont même arrivés à insulter le meilleur d'entre eux, à savoir Abu Bakr et Omar. Et ce groupe-là, le groupe des Rawafid, ne cesse de sévir dans le monde jusqu'à nos jours. Qu'Allah nous préserve de leurs maux et égarements. Et tous ceux qui les suivent, donc le Cheikh a dit, et tous ceux qui les suivent de la meilleure manière jusqu'au jour dernier. Naam. Beaucoup de gens ignorent les règles concernant les prosternations de la distraction dans la prière. Certains les délaissent lorsqu'elles sont obligatoires. D'autres se prosternent quand il ne faut pas. D'autres encore font ces prosternations avant la salutation, alors qu'elles doivent être faites après. Et d'autres enfin se prosternent après, alors qu'elles doivent être accomplies avant. Ainsi, la connaissance de ces règles est très importante. Surtout pour les imams que les gens prennent en exemple. Non, donc ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a exposé la cause qui l'a mené à écrire dans ce sujet, à savoir la grande ignorance qui règne à ce sujet. Comme il a exposé ici, et du fait également de l'importance de la connaissance de ces règles, étant donné qu'en dépend la validité de la prière, surtout pour les imams que les gens prennent en exemple. J'ai donc voulu présenter à mes frères quelques règles concernant ce chapitre, en espérant qu'Allah, Azza wa Jal, m'accorde son aide, m'inspire d'emprunter la voie vers la vérité et fasse que ces croyants adorateurs puissent tirer profit de cet ouvrage. Mohammed ibn Salih al-Husaymin. Naam, donc ici, l'auteur, rahimahullah, il termine cette introduction en demandant l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là une chose très importante, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander son aide dans les différentes initiatives que nous entreprenons afin de pouvoir les mener à bien, étant donné que comme il est dit, إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ لِلْفَتَى فَأَوَّلُ مَا يَقْضِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ. Si l'individu ne bénéficie pas d'une aide venant d'Allah, alors la première des choses à le faire périr sera son propre effort. Donc il est important de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander son aide. Étant donné que tu ne pourras arriver à ton but qu'en bénéficiant de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prosternations de la distraction. Définition. Il s'agit de deux prosternations que la personne qui prie doit accomplir pour corriger les défauts commis par distraction dans sa prière. Les causes qui entraînent ces prosternations sont au nombre de trois. L'ajout dans la prière, la diminution et le doute. Naam, donc ici l'auteur, rahimahullah, il définit ce qui est voulu par ce qu'on appelle sujoud sahou. Autrement dit, les prosternations de la distraction. Et il a dit donc, il s'agit de deux prosternations que la personne qui prie doit accomplir pour corriger les défauts commis par distraction dans sa prière. Commis par distraction. Donc, n'est pas concerné ce qui a été fait volontairement. Mais, comme nous l'avons compris, ce qui a été commis par distraction dans la prière. Et les causes qui entraînent ces prosternations sont au nombre de trois. L'ajout dans la prière, la diminution et le doute. Et à chacune de ces causes correspond un chapitre de ce livre qui seront suivis par un récapitulatif ainsi qu'une conclusion. Donc le shir, par la suite, donc d'aborder la première cause, à savoir l'ajout dans la prière. Première cause, l'ajout. Si le prieur ajoute volontairement une inclinaison, une prosternation, une position assise ou le fait de se mettre debout, sa prière n'est plus valable. Si l'ajout est involontaire et que le prieur ne s'en rend compte qu'après avoir terminé la prière, il doit à ce moment-là accomplir les prosternations de la distraction et sa prière est valable. Par contre, s'il se rend compte qu'il est en train d'ajouter quelque chose à sa prière, il doit d'une part revenir à la position précédant son ajout et délaisser cet ajout. Il doit faire les prosternations de la distraction et sa prière sera valable. Non, donc ici l'auteur, il a abordé différents cas de figure concernant l'ajout dans la prière. Le premier, c'est si le prieur il ajoute volontairement une inclinaison, une prosternation, une position assise, ou le fait de se mettre debout. Alors à ce moment-là, sa prière, elle n'est plus valable. Pourquoi ? Parce qu'il a fait volontairement. Deuxième cas de figure, si l'ajout est involontaire. Donc, dans un premier temps, il a mentionné l'ajout volontaire, et ça, donc, ça invalide la prière. Deuxième cas de figure, l'ajout qui est involontaire. Et là, il y a deux situations qui sont envisageables. La première, c'est que le prieur, il se rend compte après avoir terminé la prière. Donc il a rajouté quelque chose de manière involontaire et il s'en rend compte après la prière. Il doit à ce moment-là accomplir les prosternations de la distraction et sa prière est valable. C'est un cas qui est relativement clair, walhamdulillah. Deuxième situation envisageable concernant ce second cas de figure, à savoir le rajout ou l'ajout involontaire dans la prière, c'est si la personne qui prie s'en rend compte alors qu'il est en train d'ajouter quelque chose à sa prière. Alors à ce moment-là, il doit d'une part revenir à la position précédant son ajout et délaisser cet ajout. Et il doit faire les prosternations de la distraction et sa prière restera valable. Donc là, ce sont deux situations envisageables concernant le deuxième cas de figure, à savoir l'ajout involontaire dans la prière. Et comme on dit, bil mithal yattadihul maqal, avec les exemples, les choses sont plus claires. C'est pour cela que le shir, rahimahullah, il a apporté des exemples qui correspondent à chacun de ces cas de figure qu'il a exposé. Exemple. Une personne accomplit la prière du Zohr en 5 unités de prière, 5 raka'ah, ou au pluriel raka'at, et ne s'en rend compte qu'au moment de réciter les formules d'attestation de foi, et tashahhud. Elle doit alors terminer son tashahhud et faire les salutations finales, puis elle accomplit les prosternations de la distraction et de nouveau salue. Si elle ne se rend compte de l'ajout qu'après la salutation finale. Donc là, c'est un deuxième exemple qui correspond donc à une deuxième situation. Si elle ne se rend compte de l'ajout qu'après la salutation finale, elle doit alors effectuer les deux prosternations de la distraction dès qu'elle s'en rend compte et saluer. Par contre, si elle s'en rend compte durant la cinquième raka'ah, elle doit tout de suite s'asseoir pour réciter le tashahhud puis saluer. Ensuite, elle accomplit les deux prosternations de la distraction et salue de nouveau. Naam. Donc ici, on a trois situations différentes. La première, une personne qui accomplit la prière de Dhuhr, par exemple. Et nous sommes tous d'accord sur le fait que la prière de Dhuhr, elle est de 4 raka'a, 4 unités de prière. Cette personne, elle en fait 5. Et elle ne se rend compte de son ajout qu'au moment de réciter les formules d'attestation de foi, c'est-à-dire le tashahhud, c'est-à-dire tout à la fin de sa prière, juste avant les salutations finales, c'est-à-dire le fait de dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, juste avant ça, c'est-à-dire elle est sur le point de terminer sa prière, et là elle se rend compte de son ajout. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle doit alors terminer son tashahhud, faire les salutations finales, puis elle accomplit les prosternations de la distraction, et de nouveau, salut. Donc ici on se rend compte que les prosternations de la distraction ont lieu après les salutations finales. Et qu'après ces prosternations de distraction, on saluera à nouveau. Et on aura l'occasion, dans le quatrième chapitre, qui constitue un récapitulatif de l'ensemble de ce que contient ce livret, on verra pourquoi. Pourquoi donc les prosternations de distraction ont lieu après les salutations finales. Donc là, c'était un premier cas de figure, un premier exemple. Deuxième exemple. Si elle ne se rend compte de l'ajout qu'après la salutation finale, la personne elle a prié 5 unités de prière au lieu de 4 pour la prière de Dhuhr. Elle doit alors effectuer les 2 prosternations de la distraction dès qu'elle s'en rend compte et saluer. Troisième cas de figure, troisième exemple. Si elle s'en rend compte durant la 5e raka'a, durant la 5e unité de prière, elle doit tout de suite s'asseoir. C'est-à-dire elle est en train de prier une 5e unité de prière, alors que normalement elle ne doit en faire que 4. Et elle n'est pas encore arrivée au dernier tashahhud. Alors à ce moment-là, elle doit de suite s'asseoir pour réciter le tashahhud, puis saluer. Ensuite, elle accomplit les 2 prosternations de la distraction et salue de nouveau. Concernant donc la place des prosternations de distraction, ça va être expliqué de manière claire et concise par l'auteur dans le récapitulatif final. Naam. Ensuite, le shir de continue en disant la preuve, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière de Zohr en 5 raka'at. On lui dit alors, la prière a-t-elle été rallongée ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, pourquoi ? Les compagnons répondirent, tu as prié 5 raka'at. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit 2 prosternations et ensuite salua. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam replia ses jambes, se dirigea en direction de la Qibla, c'est-à-dire la direction de la Mecque, effectua 2 prosternations, puis salua. Rapporté par le groupe Al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Nasa'i. Naam, donc ici, le shir Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah, il a appuyé son argumentation par une preuve. Et c'est là une manière d'éduquer le lecteur au fait de se baser sur des preuves. Étant donné que la science elle passe par la connaissance de la preuve. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك من الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, et les compagnons ont dit. Et ce n'est pas juste des fausses prétentions ou des faux semblants. La science n'est pas de mettre en avant la divergence de manière stupide entre la parole du messager et celle d'un faqih. Donc, l'auteur, comme c'est l'habitude des ulama, de manière générale, il appuie ses propos par des preuves. Ici, par le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, rapporté par Al-Jama'a, c'est-à-dire par les 6, à savoir Al-Bukhari et Muslim, ainsi que les 4 auteurs des Sunan, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Nasa'i. Ibn Mas'ud qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière de Dhuhr en 5 raka'at. On lui dit alors, la prière a-t-elle été rallongée ? Ici, remarque les bonnes manières des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se sont pas empressés de lui dire, tu t'es trompé, ou tu as été distrait, ou tu as oublié. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La prière a-t-elle été rallongée? Donc ils ont attiré l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le fait que quelque chose d'inhabituel s'était produit, sans pour autant lui attribuer de faute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit pourquoi? Les compagnons répondirent, tu as prié 5 raka'at. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit 2 prosternations et ensuite salua. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam replia ses jambes, se dirigea en direction de la Qibla, effectua 2 prosternations, puis salua. Ce qui appuie donc ce que l'auteur a mentionné comme différents cas de figure concernant l'ajout dans la prière. Et lui de continuer en disant ou en abordant une autre question concernant l'ajout dans la prière en disant donc saluer avant l'accomplissement complet de la prière. Saluer avant l'accomplissement total de la prière est considéré comme un ajout. Si le prieur l'effectue volontairement, sa prière n'est pas valable. S'il la fait par oubli et ne s'en rend compte après une longue période qu'il a prononcé la salutation finale avant la fin de la prière, il doit alors recommencer la prière entièrement. Par contre, s'il s'en rend compte après une courte période, comme 2 ou 3 minutes, il doit compléter sa prière, saluer, puis faire les prosternations de la distraction et de nouveau saluer. La preuve, le hadith d'Abu Hurayrata qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière du Dhuhr ou de l'Asr et salua au bout de 2 raka'at. Les personnes pressées sortirent de la mosquée en disant « La prière a été écourtée ». Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva, se dirigea vers une grande pièce de bois qui se trouvait dans la mosquée et s'appuya dessus comme s'il était en colère. Un homme se leva et dit « Ô envoyé d'Allah, est-ce toi qui as oublié ou bien est-ce la prière qui a été diminuée ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je n'ai pas oublié et la prière n'a pas été diminuée ». L'homme dit alors « Certes, tu as oublié, ô envoyé d'Allah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors à ses compagnons « Dit-il la vérité ?» Les compagnons, radiallahu anhum, répondirent « Oui ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avança, compléta la prière, puis salua, fit les prosternations de la distraction et salua de nouveau, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Naam. Ici, on dira plutôt, tout à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avança et pria ce qui restait de sa prière, au lieu de compléter la prière. Et pria ce qui restait de sa prière. C'est plus proche du sens voulu dans le hadith, et on va y revenir sous peu, incha'Allah ta'ala. Ici donc, l'auteur, il a dit, saluer avant l'accomplissement complet de la prière. Puis, il a à nouveau présenté les différents cas de figure. Premièrement, lorsque c'est fait volontairement, celui qui salue avant l'accomplissement total de la prière, volontairement, sa prière n'est pas valable. Deuxième cas de figure, ceci s'est fait involontairement. À ce moment-là, il y a plusieurs situations qui sont envisageables. La première, s'il a fait par oubli et se rend compte après une longue période qu'il a prononcé la salutation finale avant la fin de la prière, il doit alors recommencer la prière entièrement. Donc le premier cas de figure ici, la première situation à envisager, c'est si la personne se rend compte après une longue période. Deuxième situation envisageable, s'il se rend compte après une courte durée, comme 2 ou 3 minutes, il doit compléter sa prière, saluer, puis faire la prosternation de la distraction, et de nouveau saluer. Donc ici, les prosternations de la distraction auront lieu à nouveau après la salutation finale. Et on va voir donc la cause de cela dans le récapitulatif final. Ici, une question se pose. Comment distinguer la longue période de la période qui serait courte? L'auteur a fait allusion à la manière de distinguer cela, lorsqu'il a dit comme 2 ou 3 minutes. Donc en vérité, la distinction se base sur l'usage, ce qu'on appelle al-urf, Et comme le disait le Cheikh Sa'di rahimahullah, العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. L'usage est pris en compte lorsqu'est mentionné un jugement de la législation non déterminé. Donc lorsque tu trouves quelque chose dans la législation islamique dont le jugement est mentionné mais qu'il n'est pas déterminé, alors à ce moment-là ça renvoie à l'usage, c'est-à-dire ce qui sera couramment connu en l'occurrence ici, concernant cette question, comme étant une longue durée, alors ça sera considéré comme étant une longue durée. Et tout ce qui sera considéré comme étant une courte durée, ça sera considéré comme étant une courte durée. Donc ici, on a deux cas de figure principaux. Premièrement, si c'est fait volontairement, ça invalide la prière. Deuxièmement, si c'est fait involontairement, alors il y a deux situations qui se présentent. Si la personne s'en rend compte longtemps après avoir terminé sa prière, et deuxième situation, si le temps écoulé est infime. Et le Shir à nouveau donc de présenter une preuve, à savoir le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière du dhuhr ou de l'asr. Au final, c'est une prière à quatre unités. Et il salua au bout de deux unités de prière. Les personnes pressées sortirent de la mosquée en disant « La prière a été écourtée. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva, se dirigea vers une grande pièce de bois qui se trouvait dans la mosquée et s'appuya dessus comme s'il était en colère. C'est-à-dire comme s'il avait senti que quelque chose s'était passé. Un homme se leva, cet homme qui était surnommé Zuliadain, l'homme aux deux mains. Il était surnommé de la sorte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il avait de grandes mains. Et il a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce toi qui as oublié ou bien est-ce la prière qui a été diminuée? Donc ici tu trouves une autre manière de s'adresser au prophète mais qui reste toujours dans les bonnes manières. Regardez comme il a dit. Il a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce toi qui as oublié ou bien est-ce la prière qui a été diminuée? C'est-à-dire qu'il lui a donné une issue. Et il ne l'a pas accablé en lui disant, tu as oublié. Étant donné qu'il y a trois possibilités qui se présentent lorsque il y a quelque chose d'inhabituel qui se produit dans la prière. Soit la personne a oublié, soit la prière a changé, soit la personne l'a fait volontairement. Or, concernant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas envisageable qu'il ait fait cela volontairement. Donc, il ne restait que deux éventualités, deux alternatives. Soit qu'il ait oublié, soit que la prière ait diminué. C'est pour cela que Zuliadain lui a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce toi qui as oublié ou bien est-ce la prière qui a été diminuée? Donc, il lui a donné une issue. Et c'est là, donc, à nouveau, une manifestation des nobles caractères et des nobles manières utilisées par les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adressait à lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je n'ai pas oublié et la prière n'a pas été diminuée. Il a dit, je n'ai pas oublié en se basant sur ce qu'il pensait être la réalité. Il ne considérait pas avoir oublié. Il a dit, la prière n'a pas été diminuée, étant donné qu'il n'avait pas reçu de révélation contenant la modification de la manière de prier et du nombre d'unités de prière à effectuer. L'homme dit alors, certes tu as oublié, ô envoyé d'Allah, c'est-à-dire à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que la prière n'a pas été diminuée, alors à ce moment-là il ne restait plus qu'une seule éventualité, à savoir le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait oublié, ce qui est quelque chose de possible de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam qui est un être humain. Et il y a une sagesse dans cela. L'oubli qui a touché le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contient une sagesse venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir que c'est un moyen d'enseigner à sa communauté comment agir si cette situation se présente. L'homme dit alors, certes tu as oublié, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors à ses compagnons, dit-il la vérité? Il a demandé cela étant donné qu'il considérait qu'il n'avait rien oublié. Et cet homme, radiallahu anhu, affirmait qu'il avait oublié. Donc il ne pouvait pas se baser sur cette simple parole alors que lui, il avait la certitude de ne pas avoir oublié. C'est pour cela qu'il a demandé aux autres compagnons, dit-il la vérité? Et les compagnons, radiallahu anhum, répondirent oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avança, pria ce qui restait de sa prière, puis salua, fit les prosternations de la distraction et salua de nouveau. Donc ici on se rend compte qu'il a fait les prosternations de la distraction après la salutation finale. Donc cela appuie ce que l'auteur a mentionné et exposé comme différents cas de figure et comme manière d'agir lorsque nous nous trouvons dans ce genre de situation. Ici, on peut aborder, question peut-être posée, qui a été soulevée par l'auteur dans son livre Sharh al-Mumti', son commentaire du livre Zad al-Mustaqni'. Cette question, c'est de savoir si celui qui a oublié de compléter sa prière est debout. Doit-il s'asseoir, puis se relever, ou doit-il compléter directement sa prière? Quelqu'un, par exemple, il a prié 2 raka'a au lieu de 3 ou 4 raka'a dans sa prière. Puis il s'est levé. Comme c'est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Et il se rend compte qu'il a oublié. Donc il veut achever sa prière. La question c'est de savoir, est-ce qu'il doit d'abord s'asseoir, puis se relever et compléter sa prière, ou est-ce qu'il se contente de recommencer sa prière debout? Le plus prudent, c'est de s'asseoir, puis de se relever. Cette première alternative, donc, est plus prudente. Du fait que l'homme en question, dans ce hadith, radiallahu anhu, il a dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria ce qui restait de sa prière. Or, il restait de sa prière le fait de se lever après le tashahhud pour être debout. Donc, il est plus prudent ici de se rasseoir et de compléter la prière à partir de la position assise. Et il faut savoir ici qu'il y a une condition qui doit être respectée pour permettre à celui qui n'a pas complété sa prière de pouvoir la reprendre. Cette condition, en plus du fait qu'il ne doit pas y avoir une trop longue période de temps qui se soit écoulée, mais c'est qu'il n'ait pas perdu ses ablutions. Car s'il a perdu ses ablutions, alors il ne peut pas compléter sa prière. De même qu'il ne pourrait pas entamer une prière s'il n'a pas les ablutions, étant donné que le fait d'être en état de pureté rituelle est une des conditions de la prière, comme nous l'avons vu précédemment dans les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, écrite par le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah. Naam. Le cas des retardataires. S'il arrive que l'imam salue avant la fin de la prière, et qu'il y a des retardataires qui se sont levés pour compléter leur prière, puis que l'imam se rappelle que sa prière est incomplète et se lève afin de la compléter, alors ceux qui sont en train de rattraper leur prière ont le choix. Soit ils terminent leur prière sans s'occuper de l'imam, et ensuite ils font les prosternations de la distraction, après les salutations, soit ils suivent l'imam, puis après qu'il est salué, eux complètent leur prière et font les prosternations de la distraction après les salutations finales. Le deuxième cas de figure est préférable et plus sûr. Le cas des retardataires, étant donné que, comme vous le savez, celui qui prie, c'est soit un imam qui dirige la prière, soit quelqu'un qui prie tout seul, naam, soit quelqu'un qui prie derrière l'imam. celui qui prie derrière l'imam, il est soit il a commencé la prière avec l'imam, soit il s'est joint à l'imam durant la prière. Et il est retardataire à partir du moment où il n'a rejoint l'imam qu'après qu'il ne se soit relevé de sa première inclinaison, dans la première unité de prière. Alors à ce moment-là, il est considéré comme étant masbouq, c'est-à-dire comme étant retardataire. Qu'en est-il donc s'il arrive que l'imam salue avant la fin de la prière et qu'il y a des retardataires qui se sont levés pour compléter leur prière? L'imam, il fait les salutations finales. Il y a des prières derrière lui qui sont retardataires, qui doivent donc compléter leur prière. Et eux, ils se sont levés. L'imam, il se rend compte qu'il a oublié. Donc, il se relève pour compléter ce qu'il a oublié. Que doit faire le retardataire? Le shir, donc, de dire qu'ils ont le choix. Soit ils terminent leur prière sans s'occuper de l'imam, et ensuite ils font les prosternations de la distraction après les salutations. C'est là donc, première alternative. Deuxième alternative, ils suivent l'imam, puis après qu'il est salué, eux complètent leur prière et font les prosternations de la distraction après les salutations finales. Et le deuxième cas de figure est préférable et plus sûr, selon l'auteur, rahimahullah ta'ala, et ce du fait que le suivi de l'imam constitue la base dans la question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'imam n'a été mis en place que pour être suivi. C'est pour cela donc que la deuxième alternative est préférable et plus sûre. Après cela donc, l'auteur aborde ce qu'on pourrait considérer comme étant le deuxième chapitre de ce livret qui concerne la diminution dans la prière. Et ce en disant, deuxième chapitre, la diminution, le délaissement d'un pilier dans la prière. Si le prieur délaisse le premier takbir, takbiratul ihram, qui est un pilier, sa prière n'est pas valable, que le délaissement soit volontaire ou non, car la prière est considérée comme n'ayant pas commencé. Si la personne qui prie a délaissé un autre pilier, volontairement, autre que le premier takbir, la prière n'est également pas valable. Par contre, si le prieur oublie un pilier dans une des rak'at de sa prière, et qu'au moment où il s'en rend compte, il a atteint ce même pilier dans la rak'a suivante, alors la première rak'a est annulée et la seconde prend sa place. Si le prieur n'a pas atteint ce même pilier dans la rak'a suivante, au moment où il s'en rend compte, alors il doit revenir au pilier délaissé dans la rak'a précédente, l'accomplir, puis terminer sa prière. Dans les deux cas, il doit faire les prosternations de la distraction après les salutations finales. Exemple. Une personne a oublié la deuxième prosternation de la première rak'a et ne s'en rend compte qu'au moment où il est assis entre les deux prosternations de la seconde rak'a. À ce moment-là, la première rak'a est annulée et la seconde prend sa place, c'est-à-dire que la seconde rak'a est considérée comme étant la première. La personne complète sa prière en fonction de cela, effectue les prosternations de la distraction après la salutation finale, puis salue à nouveau. Autre exemple, une personne oublie d'effectuer dans la première rak'a la seconde prosternation, ainsi que la position assise qui l'a précédée. Elle ne se rend compte de l'oubli qu'après s'être relevée de l'inclinaison de la seconde rak'a. À ce moment-là, la personne doit revenir au pilier omis dans la première rak'a, c'est-à-dire la position assise entre les deux prosternations, ainsi que la seconde prosternation. Elle doit donc s'asseoir, se prosterner, puis accomplir le reste de sa prière, effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale, et enfin, saluer de nouveau. Na'am. Donc ici, ça concerne la diminution. Et ici, l'auteur, rahimahullah, il va aborder dans un premier temps le délaissement d'un pilier dans la prière. Et ensuite, il va aborder le délaissement d'une obligation dans la prière. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te rends compte de l'importance du fait de connaître les piliers de la prière, ainsi que ses obligations, ainsi que ceux qui ne relèvent que des actes et paroles recommandés. Certains peuvent se poser la question lorsqu'ils étudient donc les piliers, les obligations et les actes recommandés. Ils se disent pourquoi retenir ces choses-là ? Est-ce qu'il ne suffirait pas, au final, juste de savoir comment prier, sans pour autant donc se fatiguer à connaître que telle chose est un pilier, telle chose est une obligation, telle chose n'est que recommandée. Tu t'en rends compte notamment lorsque tu étudies les procédations de la distraction. Comment réparer ta prière si jamais tu as été distrait dans ta prière, que tu as oublié quelque chose. À ce moment-là, il va être impératif de savoir qu'est-ce qui est un pilier, qu'est-ce qui est une obligation, ou qu'est-ce qui est uniquement ou seulement recommandé. Donc ici, l'auteur a dit le délaissement d'un pilier dans la prière. Et qui sait, donc, il peut nous récapituler les différents piliers de la prière. On en avait vu donc un certain nombre dans les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, du Cheikh Ibn Baz. Quelqu'un qui se dévoue donc pour nous citer les piliers de la prière. Abdel Ali. Comme tu veux. Le premier pilier, c'est le fait de se mettre debout, c'est possible. Oui, ouais. Le deuxième, c'est le tekbir al-ihram. Naam. Soit le fatiha. Naam. La clinaison. Mm-hmm. Se relever de la clinaison. Naam. Donc ça fait combien là ? Quatre. Le fait d'être debout, avec la possibilité, tekbir al-ihram, la fatiha, l'inclinaison, le fait de se relever de l'inclinaison, ça en fait cinq. Debout. Naam. Après la guérison, ça fait 6. Mm-hmm. Après le sujoud, naam. 7 membres, ça fait 7. Après la position entre les deux sujoud, ça fait 8. Après le dernier tachahoud, ça fait 9. Mm-hmm. Le faire en étant assis, ça fait 10. Le quoi ? Le faire en étant assis. Naam. Après la prière sur le prophète, mm-hmm. Ça fait 11. Et la Ibrahimiyya, ça fait Tashahoud. Tu l'as déjà dit, le Tashahoud. La prière sur le prophète. Tu l'as déjà dit. Les deux salams. Naam, ça en fait 12. La quiétude. L'ordre. Naam. Donc ça en fait 14. On en avait vu donc 14 dans les leçons importantes. Et on avait dit qu'en vérité, il n'était qu'au nombre de 13. Étant donné que la prière sur le prophète, on avait dit que ça faisait partie des actes recommandés. Et qu'il y avait une divergence chez les ulama concernant le statut de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant la prière. Est-ce que c'est un pilier ? Est-ce que c'est une obligation ? Ou est-ce que c'est uniquement un acte recommandé qui reste très important, mais qui ferait partie des actes recommandés. Et on avait dit donc que le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, dans Al-Sharh al-Mumti', il faisait prévaloir le fait que la prière sur le prophète, elle fait partie des actes et des paroles recommandées dans la prière. Et on avait expliqué pourquoi dans les leçons importantes. Donc ici, le Shir, il aborde le délaissement d'un pilier dans la prière. Premier cas de figure, il dit si le prieur délaisse le premier takbir, takbirat al-ihram, donc le deuxième pilier qu'on a mentionné, qui est un pilier, sa prière n'est pas valable. Que le délaissement soit volontaire ou non, car la prière est considérée comme n'ayant pas commencé. Étant donné que takbirat al-ihram, quand tu dis au tout début Allahu Akbar, c'est le moyen de rentrer dans la prière. Si tu ne le dis pas, tu n'es pas rentré dans la prière. Donc que cela soit volontaire ou pas, la prière n'est pas valable du simple fait qu'elle n'a pas commencé. Deuxième cas de figure, si la personne qui prie a délaissé un autre pilier, c'est-à-dire un des 12 autres piliers de la prière, autre que le premier takbir, la prière n'est également pas valable, étant donné qu'il l'a fait volontairement. Troisième cas de figure, qui présente différentes situations qui sont envisageables. Première situation, si le prieur oublie un pilier dans une des unités de sa prière, et qu'au moment où il s'en rend compte, il a atteint ce même pilier dans la raka'a suivante. Alors la première raka'a est annulée et la seconde prend sa place. Et c'est ce qu'il a expliqué par la suite, par l'exemple. Et comme on l'a dit, bil mithal yattadihu al maqal. C'est par l'exemple que s'éclaircit la chose. Il a dit un exemple. Une personne a oublié la deuxième prosternation de la première raka'a. C'est-à-dire dans la première unité de prière, la personne a oublié la deuxième prosternation. C'est prosterné qu'une fois au lieu de deux. Et il ne se rend compte qu'au moment où il est assis entre les deux prosternations de la seconde raka'a, c'est-à-dire dans la deuxième unité de prière, alors qu'il est sur le point de faire sa deuxième prosternation, il se rend compte qu'il a oublié la deuxième prosternation de la première unité de prière. À ce moment-là, la première raka'a est annulée et la seconde prend sa place. C'est-à-dire que la seconde raka'a est considérée comme étant la première. Et à partir de là, la troisième unité de prière qu'il aura en apparence effectuée, elle sera considérée comme étant la seconde. Et ainsi de suite. La quatrième comme étant la troisième. Et en apparence, donc il se retrouvera, si il prie la prière d'El Maghreb par exemple, à faire en apparence 4 raka'a au lieu de 3, étant donné que la première n'était pas valable et que la seconde a pris sa place. Et s'il accomplit une prière à 4 unités de prière, à 4 unités comme Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Isha, il va se retrouver en apparence à faire 5 unités de prière, étant donné que la première n'aura pas été valable et que la seconde aura pris sa place. Deuxième situation envisageable, si le prieur n'a pas atteint ce même pilier dans la raka'a suivante, la raka'a c'est l'unité de prière, au moment où il s'en rend compte, il doit alors revenir au pilier délaissé dans la raka'a précédente, l'accomplir, puis terminer sa prière. Le shir a expliqué cela par l'exemple en disant, la personne oublie d'effectuer la première raka'a. Dans la première raka'a, excusez-moi, la seconde prosternation, ainsi que la position assise qui la précède. Donc toujours, dans la première unité de prière, la personne elle a oublié quoi ? La deuxième prosternation, ainsi que la position assise qui la précède. C'est-à-dire qu'il a fait une seule prosternation, et elle s'est relevée. Pour la deuxième unité de prière. Et elle ne se rend compte de l'oubli qu'après s'être relevée de l'inclinaison de la seconde unité. C'est-à-dire avant d'avoir atteint le même stade dans la deuxième. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui incombe de faire ? Elle doit revenir au pilier omis dans la première, c'est-à-dire la position assise entre les deux prosternations, ainsi que la seconde prosternation. Elle doit donc s'asseoir, se prosterner, puis accomplir le reste de sa prière, effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale, et enfin, saluer à nouveau. Donc on voit que, comme l'a dit le Shir, dans les deux cas, il doit faire les prosternations de la distraction après les salutations finales. Et la question, c'était de savoir, est-ce qu'il doit revenir à ce qu'il a oublié, ou est-ce qu'il doit continuer ? Et on a vu que, dans le premier cas, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue. Étant donné que sa première unité de prière, elle a été invalidée, et dans le deuxième cas de figure, il doit revenir, pour quelle raison ? Parce qu'il n'a pas atteint le même pilier de l'unité de prière à venir. Naam. Donc tout ça, ça concernait la diminution, le délaissement d'un pilier dans la prière. Le délaissement d'une obligation dans la prière. Si le prieur délaisse volontairement une obligation de la prière, sa prière est alors annulée. S'il oublie un acte obligatoire, puis s'en rend compte avant qu'il ne quitte la position de cette obligation, il doit alors l'accomplir et n'aura pas à effectuer les prosternations de la distraction. S'il se rend compte de l'oubli après avoir quitté la position de cette obligation, mais avant d'atteindre le pilier suivant, il doit alors revenir, accomplir cette obligation, terminer sa prière, puis effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale, est de nouveau salué. Par contre, s'il se rend compte de son oubli, après avoir atteint le pilier qui suit l'obligation omise, alors l'acte obligatoire n'est plus à effectuer. Le prieur ne doit plus revenir, mais il doit continuer sa prière. Puis, effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Exemple. Dans la seconde raka'a, une personne va se relever de la deuxième prosternation pour accomplir la troisième raka'a, en oubliant le premier tashahhud. Elle se rend compte de son oubli avant de se lever. Elle doit alors rester assise, réciter le premier tashahhud, terminer sa prière, et elle n'aura pas à effectuer les prosternations de la distraction. Si elle se rend compte de son oubli en se relevant, mais avant d'être debout, elle doit alors se rasseoir, réciter le premier tashahhud, terminer sa prière, saluer, puis accomplir les prosternations de la distraction et saluer de nouveau. Par contre, si elle se rend compte de son oubli après s'être complètement relevée, elle ne doit pas se rasseoir et réciter le premier tashahhud. Elle doit terminer sa prière et effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. La preuve, le hadith rapporté par al-Bukhari et d'autres, selon lequel Abdullah ibn Buhayna radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en effectuant la prière de Dhuhr, se leva pour la troisième raka'a sans avoir accompli le premier tashahhud. Les gens se sont levés avec lui et l'ont suivi jusqu'à la fin de la prière. Alors que les gens attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam salue, il prononça le takbir assis, effectua les deux prosternations de la distraction et salua. Naam. L'auteur mentionne cette fois-ci le délaissement d'une obligation dans la prière. Étant donné que nous avions vu qu'il y a une différence entre un pilier et une obligation. Le pilier et l'obligation, ils se rejoignent dans le fait que celui qui le délaisse volontairement, sa prière, est invalide. Par contre, la différence, elle réside dans le fait que celui qui va oublier, donc un oubli c'est donc involontaire, un pilier, sa prière ne sera valide que s'il se présente avec ce pilier. Tandis que l'obligation, alors, le simple fait de faire les salutations finales suffit pour réparer l'oubli de l'obligation, avec bien sûr des détails à mentionner, et c'est ce qu'a fait le Shir ici, lorsqu'il a développé les différents cas de figure qui peuvent se présenter. Le premier, si le prieur délaisse volontairement une obligation de la prière, sa prière est alors annulée. Et ça donc, il n'y a pas de souci concernant la compréhension de cela. Deuxième cas de figure qui inclut plusieurs situations qui sont envisageables. Si le prieur oublie un acte obligatoire, puis s'en rend compte avant qu'il ne quitte la position de cette obligation, il doit alors l'accomplir et n'aura pas à effectuer les prosternations de la distraction. C'est-à-dire une personne, elle a oublié de manière brève une obligation, mais elle s'en rend compte sur le champ, avant même d'être passée à l'étape suivante de sa prière. Alors à ce moment-là, elle n'est redevable de rien. Elle doit accomplir cette obligation, elle ne tient pas compte de ce semblant d'oubli, et elle n'aura pas à effectuer les prosternations de la distraction. C'est d'ailleurs cela qu'a expliqué l'auteur dans l'exemple, lorsqu'elle a dit, dans la seconde unité de prière, une personne va se relever de la deuxième prosternation pour accomplir la troisième raka'a en oubliant le premier tashahhud. Et on avait vu que le premier tashahhud, à l'inverse du dernier, ce n'est qu'une obligation, ce n'est pas un pilier. Cette personne donc se rend compte de son oubli avant de se lever. Elle doit alors rester assise, réciter le premier tashahhud, terminer sa prière, et elle n'aura pas à effectuer les prosternations de la distraction, étant donné que, en vérité, cet oubli n'en est pas un. C'est uniquement une légère distraction qui n'influe pas sur la validité de la prière. Deuxième situation envisageable, s'il se rend compte de l'oubli après avoir quitté la position de cette obligation, mais avant d'atteindre le pilier suivant, il doit alors revenir, accomplir cette obligation, terminer sa prière, puis effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale et de nouveau saluer. Et ça a été expliqué par l'exemple, par l'auteur lui-même, lorsqu'il a dit, si cette même personne se rend compte de son oubli en se relevant, mais avant d'être debout, c'est-à-dire elle a fait sa deuxième prosternation dans la deuxième unité de prière. Elle est censée s'asseoir et réciter la formule de tashahhud. Au lieu de ça, cette personne, elle est en train de se lever. Et en même temps qu'elle est en train de se lever, elle se rend compte qu'elle a oublié de s'asseoir pour réciter la formule du tashahhud. Alors à ce moment-là, elle lui incombe de se rasseoir avant même de s'être complètement levée, de réciter le premier tashahhud, de terminer sa prière, de saluer, salutation finale, puis d'accomplir les prosternations de la distraction et saluer de nouveau. Donc ici, la prosternation de la distraction, elle a lieu après la salutation finale. Troisième cas de figure, si le prieur se rend compte de son oubli après avoir atteint le pilier qui suit l'obligation omise, alors l'acte obligatoire n'est plus à effectuer. La prière, ou plutôt, excusez-moi, le prieur ne doit plus revenir, mais il doit continuer sa prière, puis effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Et à nouveau, on va voir dans le récapitulatif final quand est-ce qu'on doit se prosterner après les salutations finales et quand est-ce qu'on doit se prosterner avant. Et quand est-ce qu'on doit se prosterner avant. Et l'exemple de cela, c'est si ce prieur se rend compte de son oubli après s'être complètement relevé. Il ne doit pas se rasseoir et réciter le premier tashahhud. Il doit plutôt terminer sa prière et effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Toujours dans cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était dans la deuxième unité de prière. Elle s'est prosternée à deux reprises. Elle se relève complètement à tel point qu'elle est arrivée au pilier qui suit l'obligation, à savoir le fait d'être debout. Il est complètement debout, il n'est pas juste en train de se relever. Étant donné que ce prieur est arrivé au pilier suivant, alors à ce moment-là, il ne doit pas revenir. Il continue sa prière, et étant donné que c'est un oubli, alors il fera ses prosternations de distraction avant la salutation finale. La preuve, le hadith rapporté par Al-Bukhari et d'autres, selon lequel Abdullah ibn Buhayna, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en effectuant la prière de Dhuhr, se leva pour la troisième raka'a sans avoir accompli le premier tashahhud. La prière de Dhuhr, 4 raka'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève pour la troisième sans avoir accompli le premier tashahhud. Les gens se sont levés avec lui et l'ont suivi jusqu'à la fin de la prière. Alors que les gens attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam salue, il prononça le takbir assis, effectua les deux prosternations de la distraction et salua. Dans ce hadith authentique, on se rend compte, et on avait déjà vu cela, que le tashahhud, le premier tashahhud, dans les prières qui en contiennent deux, à savoir Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib et Al-Isha, le premier tashahhud n'est pas un pilier, mais c'est une obligation. Pourquoi? Car si c'était un pilier, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se serait pas contenté de faire les prosternations de la distraction pour réparer son oubli. Mais il aurait impérativement fallu qu'il se présente avec ce premier tashahhud. Également, on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a effectué les deux prosternations de la distraction avant la salutation finale. Et ce, étant donné que c'était là un oubli, et on va revenir à cela, incha'Allah ta'ala, lors du récapitulatif final que l'auteur a écrit, rahimahullah ta'ala, et on s'en tiendra à ça pour aujourd'hui, et on abordera donc le chapitre concernant le doute, ainsi que ce fameux récapitulatif final, ainsi que la conclusion de l'auteur, dimanche prochain, incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.